Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, édition avril. On démarre avec nos amis suisses de Galahad, coucou les revoilous, avec un album superbe, Paradis posthume et comme on veut se faire plaisir, deux morceaux successifs, Galahad. Tu es train de passage à mer, le mal-train. chapeau qui glissait sur sa peau, d'avoir senti ton cœur si là, emporté par les eaux d'un bien long désarroi. Détaché du troupeau, s'éloignant du berger, un agneau devient un monstre et une bête enchaînée. La folie, la misère que l'on gagne en échange de n'avoir épargné les intuitions d'un ange. Mal à l'aise sur terre, peine à s'enraciner, s'incarnant dans un père, cherchant son fils aimé, au visage si dur, qui ne reflète en rien ce qui à l'intérieur est ponté sans chagrin. Et la marque des liens n'ont pas su altérer ce qui reste bien toi. L'univers est peuplé de modèles analogues, des milliards d'histoires ressemblent à celles. suite de nombreuses plaintes. L'administration de Saint-Agénor sur Siphon vient d'ordonner la démolition du moulin Mathieu. On sait que ce vieux bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années, sert actuellement de refuge à une mule. À une multitude de rats qui accommodent le voisinage. Espérons que ces indésirables rongeurs... Sa Majesté, Anthracite 3, vous parle. Rat, rat, rat, vive le roi des rats, vive Anthracite 3. Rates et rats, oh mes fidèles sujets, voici que s'étend devant nous une fertile vallée qui remplacera avantageusement les ruines du moulin Mathieu. Ce sera notre nouveau royaume de rats. Je vous donne l'ordre d'occuper tous les terriers que vous trouverez et d'en chasser les propriétaires. Vive le roi des rats, vive Anthracite 3. Opération ratisation, exécution. Allez, on continue à se faire plaisir avec le nouvel album de Pure Genetic Material. Pure Genetic Material, un album intitulé Here Now. Run from a smoking gun. Yes, I found rest and peace in the garden. I found rest and peace in the garden. On the run from a smoking gun, I can smell the stench of revolution. Are those the drums and guns that I can hear? Voilà, après les Allemands de Pure Genetic Material, on fait un grand bond et on part au Mexique. Oui, voilà très longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de Cast. Vous savez, ce somptueux combo mexicain, eh bien, il nous revient enfin avec un album superbe intitulé Vigésimus Cast sur Progapar. Wise advice comes at a price. It may be so, but not so nice. We need a tool to break the ice. Synergies may come. Wise advice is what we need. We want it fast without a deed. Abroad or near, it's welcome here. A lot to think, but we hear. There are those who act unwise. Believers are, but they want God. The house of proud, amen for them. Follow them and close your eyes. There are those who blame the rest. Supporters are, they always test. The trail behind, they always do. But change their minds, they won't do. Wise advice, no more, no less. We seek advice without a mess. Target's clear, direction's not. Keep in mind the common goal. Wise advice at last is here. It made it clear and now we're blessed. We did it right, we did just that. And the source was always near. Et maintenant, on part dans le passé. Vous savez que Esoteric, le label british, a cœur de rééditer de somptueux bijoux du passé. C'est le cas avec ce groupe T2, qui n'a sorti qu'un seul album en 1970, intitulé « It will all work out in Boomland ». T2, vous allez voir, c'est superbe. Uncertain as it were, than the warrant truly showed. Ending with the day once again, forever in the wind. Answering the questions as they came, the morning. On reste en Grande-Bretagne, plus particulièrement en Écosse, avec leur quatrième album. Je veux parler de The Emerald Dawn, un album intitulé To Touch the Sky. Vous allez voir, ça va vous faire grimper au plafond et même plus haut. Thank you. Deuxième réédition de chez Ésotérique, un album solo de John Anderson intitulé Animation. Il date de 82. We'll be right back. as the child's eyes that dream on and dream a life away. So the moment I thought about release of life that comes on, and how hopefully wise we become with each passing day, I wondered at this divine animation of life as the moment her eyes opened wide. I could see it was her first day. Was her first sound. Time had stood still. Broke my knees to the I saw the look in her eyes. I knew I was captured by an angel in disguise. And as I sit on that green covered hill long ago, the memory of a deep love inside me flows. Oh, it comes and it passes through you. Things that our forefathers have tried. I'll tell you, there's nothing in life to touch the birth of a child. I want these words to linger on and on, for I was there beside my loved one. Oh, tell me, there is nothing like seeing the birth of a child. So lingers so. Thank you. Moi, vous me connaissez? Mais si, bien sûr. Je suis le petit chaperon rouge, en compagnie de mon fidèle ami, Loulou. Loulou grosse dent. Ah oui, bonsoir. Et d'y voir Loulou, on n'est pas lundi aujourd'hui? Depuis que je suis à la retraite, je ne sais plus quel jour on est. C'est pas 20h30 maintenant? Oui. Avec Alzheimer, j'ai même plus la notion du temps. Et donc, c'est l'heure de Progapart. Oui, dépêchons-nous de nous brancher. Et l'on termine l'émission avec du lourd. Deux groupes allemands sur le retour. Sylvan tout d'abord avec 120, j'ai adoré. Et ensuite RPWL, une reprise réédition de leur premier album God Has Failed. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. I can run, and you will follow. You will trace me and shape my way. But after all, now I can see you're not my source, just part of me. One heartbeat all too human. Now I say answer to the call. No one's here with whom to share it. So I face. I tried to seek but could not find all my life. And I swear ceaselessly I tried. Yes, I believed and made me fly all my life. But now I feel I can grieve, and you will follow. Why do you be fooled and taunt me? I should it too. Now that I see you're not my source, just part of me. When I lived without a heart, without pain, but where my marks to this purpose lies in memory, it's buried deep, but still part of me. Thank you. I can feel. That's why you follow. And always perishing. But even warm sometimes. And after all, now I can see. Though not my thoughts, you're part of me. One heartbeat on two human hearts. Now I sense it to the core. No one's here with whom to share it. Trop de la balle. The fairy tale was written long before. And when it seems that they join the curtain, a new Ainsi s'achève Prog à part, l'émission du rock progressif et la version sonore d'Acid Dragon présentée et proposée par votre humble serviteur Thierry Sportouche avec le soutien logistique de Roland Rock. Je vous donne rendez-vous dans un mois et puis d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati, take care, stay safe. Bye bye.